بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لونجا الله سبحانه وتعالى ونسيت نوي دي 26 شعبان 1441 qui correspond au 18 avril 2020. Nous continuons notre rappel concernant les mérites des prières nocturnes. Qu'Allah nous facilite d'être parmi ceux qui les accomplissent, car c'est la voie des vertueux et de ceux qui cherchent à être reconnaissants à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons prendre le reste des hadiths de ce noble chapitre dans Riyad Salihin avec l'explication de l'érudit Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh. فعن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة تعني في الليل يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة رواه البخاري. Et donc ce premier hadith de Aïcha radiyallahu anha, il a dit, ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari rahimahullah, il a dit, Aïcha a dit, durant la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou le messager d'Allah plutôt, comme il est dit dans le hadith en arabe, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accomplissait 11 rak'at chaque 11 rak'at, c'est-à-dire durant les prières nocturnes. Chaque prosternation durait le temps que vous mettez à réciter 50 versets. Et il effectuait également d'orqa'at avant salat al-fajr. C'est-à-dire, il effectuait d'orqa'at surrogatoire juste après l'appel de fajr. Et après les avoir effectués, il s'étendit sur le côté droit jusqu'à l'arrivée du muezzin qui vient le chercher pour la prière du fajr obligatoire. وعنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر فقال يا عائشة Et dans ce deuxième hadith, selon Aïcha radiallahu anha wa ardaha, le prophète n'accomplissait jamais plus de 11 rak'at, que ce soit pendant ou en dehors du mois de Ramadan. Il en accomplissait d'abord 4, et je ne te dis pas, je ne te dirai rien de leur perfectionnement. Comment ils étaient perfectionnés, et je te dirai rien sur leur durée. Ça veut dire qu'ils étaient bien faits, qu'ils étaient très longues. Ensuite, il en effectuait 4 autres, identiques. Et enfin, il terminait par 3 rak'at. Je lui demandais au messager d'Allah, est-ce que tu vas dormir avant d'avoir prié le witr? Et lui, il répond, sallallahu alayhi wa sallam, ou Aïcha, mes yeux dorment. Mais mon cœur ne dort pas. Le hadith, il est muttafaq alayh. Dans ce hadith, Aïcha nous donne une modalité parmi les modalités de l'accomplissement de la prière nocturne. Où le prophète, alayhi sallam, fait 4 rak'at d'affilée. Et après, 4 autres rak'at, ça fait 8. Et après 5 d'affilée aussi, ça fait, 13 rak'at. Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah dit concernant le premier hadith de Aïcha, le prophète alayhi salatu wasalam prie la nuit 11 rak'at. Et il dit hafidhahullah rahimahullah, et ceci a été détaillé dans d'autres hadiths, qu'il faisait sallallahu alayhi wa sallam 2 rak'at, il fit taslim, il sort de la prière, et puis il fit 2 rak'at, il fit taslim, et puis 2 rak'at, et puis il fit taslim, et puis 2 rak'at, il fit taslim, et puis d'orqa'at, il fit taslim, ça fait 10 rak'at. Et il termine avec une rak'at qui est le witr, donc ça fait 11. Il dit, rahimahullah, cela signifie qu'il priait 11 rak'at en les accomplissant 2 rak'at par 2 rak'at, et il terminait avec une seule rak'at. Et il dit, rahimahullah, et puis le prophète, alayhi salatu wasalam, dans ce hadith, il priait 2 rak'at avant l'obligation du fajr. C'est-à-dire, la sunna surrogatoire du fajr, 2 rak'at. Après, quand il est prié, après la dame de l'apparition du fajr véridique. Et ces 2 rak'at, il les faisait courtes, au point que Aïcha radiallahu anha se demandait s'il a lu le Fatiha ou pas. Tellement ils étaient courtes. Et puis, alayhi salatu salam, il s'est tendu sur son côté droit jusqu'à ce que le muadden vient le chercher pour la prière obligatoire du fajr. Vient l'appeler pour aller faire l'obligation du fajr. Il dit, rahimahullah, dans ce hadith, il y a la preuve que les prières nocturnes sont de 11 rak'at. Et aussi, c'est une preuve que la personne doit prier ratiba, c'est-à-dire les prières avant, hein, les prières obligatoires, hein, il doit les prier aussi à la maison. Hein, que le mieux, c'est que la personne doit prier ratiba chez lui, car c'est le mieux. Il dit surtout concernant l'imam. Il dit dans le hadith aussi, il y a aussi que l'imam ne sort pas de chez lui que pour l'iqama, c'est-à-dire pour l'accomplissement de la prière obligatoire. Il reste chez lui jusqu'à l'iqama. Et puis, il sort à la mosquée et prie directement la prière obligatoire. Hein? Et maintenant, si maintenant il habite loin, classe, dans les mosquées maintenant, il y a toujours une pièce réservée comme bureau pour l'imam. Et donc, on voit beaucoup d'imams rester là-dedans jusqu'à l'heure de l'iqama, ils sortent. Hein? Ils sortent accomplir, rentrer directement dans la prière obligatoire. Il dit, rahimahullah, le mieux c'est que l'imam n'arrive que pour prier l'obligation. Il dit, quant aux gens, aux fidèles, ils doivent attendre l'imam. Et l'imam doit être attendu par les autres. On doit attendre l'imam et nous autres fidèles, nous devons attendre l'imam et l'imam doit être attendu par les fidèles. Il dit, c'est pour ça que le mieux pour l'imam, c'est de n'arriver qu'un peu avant l'iqama, sauf s'il y a un intérêt à ce qu'il soit là avant. Il dit, l'intérêt comme le fait d'encourager les gens à venir à l'avance. Et si l'imam vient en dernière minute, ils vont être découragés. Dans ces cas-là, l'imam doit venir, hein, à l'avance pour les encourager. Et c'est à lui de mesurer et de voir où il est l'intérêt. Et rahimahullah, il dit, et dans le deuxième hadith, Aïcha annonce que le prophète alayhi salatu wasalam n'accomplissait pas plus de 2 rak'at pendant Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. Aïcha a été interrogée à ce sujet. Comment était la prière nocturne du prophète alayhi salatu wasalam durant le mois de Ramadan? Sa réponse fut, radiyallahu anha wa ardaha, qu'il ne dépassait pas 11 rak'at pendant Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. Aïcha a dit, en donnant une explication, une modalité des prières nocturnes du prophète alayhi salatu wasalam, et il a dit, il priait 4 rak'at, et je te dis pas comment ils étaient perfectionnés ces 4 rak'at, et comment ils étaient longues. Et puis il priait 4 autres de la même façon. Et puis il terminait par 3 rak'at. Donc ça nous fait 4 plus 4 plus 3. Ça fait 11 rak'at. Et ça, c'est la sunna du Cheikh Rahmatullah Alayh. Il dit, rahimahullah, et le mieux, c'est de se limiter à 11 rak'at ou à 13 rak'at, comme il a été apporté authentiquement dans un autre hadith du messager alayhi salatu wasalam. Il dit, c'est le mieux, c'est de se limiter à la sunna, 11 ou 13 rak'at. Il dit, rahimahullah, concernant la parole de Aïcha radiallahu anha, que le messager accomplissait 4 rak'at, je te dis pas comment ils étaient perfectionnés, comment ils étaient longs. Il dit, Certains ont cru qu'ils faisaient 4 ka'at avec un seul taslim, qu'ils ne s'arrêtaient pas au bout de 2 ka'at et ils reprenaient la prière. Il dit, ceci est une erreur, car il a été détaillé que ce sont 4 ka'at faites 2 par 2, en faisant taslim après chaque 2 ka'at. Il dit, rahimahullah, et donc on déduit de sa parole que la preuve comme quoi il prit 4 ka'at, c'est-à-dire 2 et il termine les 2, il sort, et puis il reprend, il recommence 2, et ainsi de suite. Et puis il se reposait un peu, après chaque 4 ka'at, il se reposait un peu. Et puis il prie, il dit le terme Tumma, et puis c'est pour l'ordre. Il dit, pour l'ordre, après la pause, il prie 4. 4 ka'at, on les accomplissant 2 unités par 2 unités. Ainsi, il a dit, rahimahullah ta'ala. Et là, j'attire l'attention de nos frères et de nos sœurs. Et là, il dit, rahmatullah alayh, j'attire l'attention que la personne ne doit pas se précipiter dans la compréhension des textes, mais il doit réunir les textes du sujet pour avoir un éclaircissement suffisant et clair. Il dit, rahimahullah, certains frères qui débutent l'apprentissage, notamment l'apprentissage de la science du hadith, quand il prie comme imam pendant Ramadan, il prie 4 ka'at avec un seul tashahud. Il dit, ceci, c'est une erreur, et c'est une mauvaise compréhension de la sunna. Il dit, rahmatullah alayh, Cheikh Al-Uthaymin, car le prophète a été interrogé sur la prière nocturne et il a dit dor ka'at par dor ka'at. Et donc ça ne peut pas être 4 ka'at par 4 ka'at dans les prières nocturnes. Il dit sauf dans certains cas du witr. 3 d'affilée avec un seul taslim, 5 d'affilée avec un seul taslim, 7 d'affilée. Hein? Et il dit on peut faire aussi 9 d'affilée. Mais il dit, rahimahullah, quand on arrive à faire les 9, ben, il faut s'asseoir à la 8e rak'at, faire tashahoud, sans dire salamu alaykum, et se relever, ramener la 9e rak'at. Et ne pas sortir à la 8e, se relever pour ramener à la 9e rak'at. Il dit, rahimahullah, ceci, c'est le point de vue du Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayh, qui est aussi celui de l'imam Ahmed. Donc l'imam Ahmed est un grand mujtahid, Cheikh Al-Uthaymin aussi, et c'est leur point de vue. Hein? Cheikh Nasr dit l'Albani rahmatullah alayh, dont concernant les différentes modalités de l'accomplissement des prières nocturnes, comme il est relaté dans son grand livre sur Salat Tarawih, et sur son résumé qui est Qiyam al-Layl, rapporte cette modalité que le messager alayhissalam fait 4 ka'at avec un seul taslim, puis 4 ka'at avec un seul taslim, puis 5 ka'at avec un seul taslim. Hein? Et ceci est rapporté, il est basé sur des hadiths authentiques aussi. Ce qu'a dit Cheikh Al-Uthaymin pour lui être d'affilée 3, 5, 7, 9, etc. C'est basé aussi sur des hadiths authentiques. Et aussi quand il a dit dor ka'at par dor ka'at, c'est un hadith authentique. Donc on voit bien, et ce qu'il a dit Cheikh Nasr, dit l'Albani rahmatullah alayh, 4 avec un seul taslim, et puis 4 avec un seul taslim, puis 5 avec un seul taslim, c'est aussi basé sur un hadith authentique. Donc on voit bien qu'il y a une divergence dans la mise en application des hadiths. Hein? Et les hadiths sont authentiques, il n'y a aucune contradiction. Dans ce cas-là, ce qui fait la différence, c'est la compréhension et la mise en application de ces hadiths. Et dans ce cas-là, notre devoir, c'est de chercher à se conformer aux preuves. Et si on est convaincu par un avis, parmi les avis des hommes de science dignes de la voix, on l'expose sans l'imposer aux autres. Hein? On expose notre avis sans l'imposer aux autres. Car la divergence à ce niveau a existé et existera toujours. Et cela dans beaucoup de sujets concernant le fiqh, concernant les actes d'adoration, il faut savoir garder une certaine largesse d'esprit et essayer de convaincre avec les preuves et non pas de vouloir imposer notre avis aux autres et vouloir que les autres soient derrière nous et suivent nos idées à nous. Et qu'ils nous suivent dans les positions que nous avons prises. Il n'y a pas un sujet dans le fiqh, comme a dit Cheikh Mohamed Amal Jami et les hommes de science avant lui, qui a échappé à la divergence. Mais il faut chercher à se conformer à la sunna. Et ici, qu'on ne comprenne pas, qu'on n'ait pas de confusion. Je suis en train de parler du sujet des adorations et du sujet du fiqh. Et rien d'autre que le fiqh. Et donc, on passe au hadith suivant. Le hadith 2, Aïcha radiallahu anha, qui a dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, وعن هان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي متفق عليه. عائشة ندي كالله سبحانه وتعالى غير dans ce hadith rapporté par l'imam Bukhari et par l'imam Muslim que le prophète dormit la première partie de la nuit et accomplissait les prières nocturnes à la fin de la nuit. Hein? Ce hadith Cheikh Al-Uthaymeen ne l'a pas commenté. Et certains nombres de sciences disent de ce hadith, on comprend de ce hadith qu'on doit dormir pour se reposer, puis se lever à la fin de nuit. Et il est bien spécifié dans le hadith, hein, la dernière partie de la nuit, c'est-à-dire Sahar, le dernier moment, le dernier tiers de la nuit avant, hein, avant l'aube. Car, pourquoi disent les hommes de science? Car c'est un moment méritoire où Allah descend au ciel de ce bas monde et exauce les doigts de ceux qui l'implorent et comble les besoins de ceux qui lui demandent et pardonne à ceux qui demandent son pardon, etc. Il dit parce que c'est un moment propice. Ils disent aussi c'est un moment propice pour méditer la création d'Allah et pour méditer la parole d'Allah Azza wa Jal. Et dans le chapitre de la prière de l'Witr dans Umdat Ahkam, il y a un hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Muslim de Aisha radiallahu anha wa ardaha. Qalat radiallahu anha wa ardaha من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى الصحر. سلو عائشة رضي الله عنها dans ce hadith que le messager عليه الصلاة والسلام a accompli le witr à toutes les heures de nuit, c'est-à-dire au début de la nuit, au milieu de la nuit, hein, et à la fin de la nuit, et l'accomplissement du witr du messager à la fin de la nuit, c'est ce qu'il a fait souvent et surtout, hein, souvent dans la fin de sa vie. Cheikh Al-Uthaymeen dit dans Tanbih Al-Afham, dans Sharh Al-Umda, il dit, Aïcha a annoncé que le messager d'Allah ne se conditionnait pas par une heure sans l'autre pour le witr, c'est-à-dire pour l'accomplissement des prières de la nuit. Et il a dit que, alayhi salatu wassalam, il l'accomplissait les prières nocturnes après salat l'Isha, comme il le faisait au milieu de la nuit, comme il le fait au dernier tiers de la nuit. Donc des fois, il le faisait juste après salat l'Isha, des fois au milieu de la nuit, des fois à la fin de la nuit, le dernier tiers. Il dit, rahmatullah alayhi, donc on retient que le witr, quand nous sachons que le witr, c'est une rak'at, 3, 5, 7, 9 ou 11. Il dit, donc on retient que le witr se fait au début, au milieu, au sahar, c'est-à-dire vers la fin de la nuit, pour celui qui sait qu'il va se réveiller. Et on retient aussi que la plage horaire du witr commence après salat l'Isha jusqu'à l'apparition de l'aube véridique. Il se termine au moment de l'apparition de l'aube véridique. Donc c'est une plage horaire qui est très vaste. Et on passe au hadith d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda, qui a dit sallaytu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam laylatan falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri su'in qila ma hamamta qala hamamtu an ajlis wa ad'u muttafaqun alayh. Et selon Abdullah ibn Mas'ud, dont le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, il a dit radiyallahu anhu arda, une nuit j'ai prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète resta debout si longtemps, c'est-à-dire dans la récitation du Coran, que j'ai pensé adopter une mauvaise attitude. On lui demanda, à quoi as-tu pensé? Il dit, j'ai songé m'asseoir et laisser le prophète poursuivre tout seul. Le hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Cheikh Uthaymeen, rahmatullah alayhi, nous dit, concernant ce hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, il dit qu'Abdullah ibn Mas'ud raconte qu'une nuit, il a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car, il dit, rahmatullah alayhi, la porte du prophète alayhi wa sallam est ouverte à tout le monde. Sa maison, c'est la maison de ses compagnons et de toute la communauté. Il dit, l'un d'eux arrive, peut arriver la nuit pour prier avec le prophète alayhi wa sallam. Il lui dit, pas non, il l'accueille, il le fait rentrer et prie avec et avec. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda faisait partie de ceux qui étaient au service du prophète alayhi salatu wassalam. Il s'occupait du siwak du prophète alayhi salatu wassalam. Il le préparait. Il préparait le siwak du prophète. Il le nettoyait. Il s'occupait aussi du coussin sur lequel s'adossait le prophète alayhi salatu wassalam. Il s'occupait aussi des chaussures du prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'est quelqu'un qui était au service du prophète alayhi salatu wassalam et très proche du prophète alayhi salatu wassalam. Donc Ibn Mas'ud rentrait chez le prophète alayhi salatu wassalam et priait avec. Une nuit, il a prié avec, mais le prophète cette nuit-là était long dans sa lecture, au point qu'Abdullah Ibn Mas'ud a dit j'ai pensé adopter une mauvaise attitude. On l'interrogea, qu'est-ce qu'il a pensé faire? Il dit, j'ai songé m'asseoir et laisser le prophète poursuivre seul. Alors qu'Abdullah ibn Mas'ud est jeune, le prophète était plus âgé que lui. Et malgré cela, le prophète restait debout longtemps à lire le Coran, au point que les jeunes sont incapables de faire comme lui. Alors qu'Allah lui a pardonné les péchés du passé et celles du futur. Mais, comme il a été dit auparavant par Cheikh, il accomplissait la prière. Hein, comme il est rapporté dans le hadith de Aïcha, il accomplissait la prière pour être reconnaissant et remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit alayhi salatu wassalam, j'aimerais être un serviteur, un soumis reconnaissant. Et on passe au hadith de Hudayfa radiyallahu anhu arda. Hudayfa a dit, sallaytu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam data laylatin, فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم رحمه الله تعالى. Et le hadith de Hudayfa radiyallahu anhu arda, rapporté par l'imam Muslim, Hudayfa a dit, une nuit j'ai prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète commença sa récitation par surat al-Baqara, la vache, surat la vache. Je pensais qu'il allait s'incliner après avoir récité son verset. Mais le messager alayhi sallam poursuivait. Hudayfa a dit, je pensais qu'il allait la réciter entièrement en une rak'at. Mais le messager, il a poursuivi sa récitation et entama surat Nisa, surat les femmes. jusqu'à la fin de celle-ci. Et puis il enchaîna sur Al Imran qu'il lut entièrement. Il récitait, alayhi salatu salam, lentement et en articulant bien. Lorsqu'il lisait un verset parlant de glorification d'Allah, il glorifiait Allah. Subhanallah. Et quand il arrivait à un verset contenant une requête adressée à Allah, il adressait et il demandait à Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'il lisait un verset contenant l'avertissement, il demandait la protection d'Allah. Et sallallahu alayhi wa sallam, il s'inclina ensuite et dit Subhana Rabbi al-Azim, gloire à mon Seigneur le Très-Haut, gloire à mon Seigneur le Très-Grand. Il s'inclina en glorifiant Allah aussi longtemps que lorsqu'il était debout pendant la récitation. Puis il se releva en disant « Sami Allahu liman hamida » « Allah exauce celui qui le loue » Et il dit « Seigneur, à toi les louanges » Puis resta debout après l'inclinaison aussi longtemps qu'il était resté incliné. Et il se prosterna ensuite et dit « Gloire à mon Seigneur le plus haut » Et il demanda il demeura prosterné presque aussi longtemps qu'il était resté debout. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Cheikh Al-Uthaymeen, rahmatullah alayhi, nous dit, une deuxième fois, Hudayfa ibn al-Yaman, c'est-à-dire, la première fois c'était Abdullah ibn Mas'ud, et maintenant c'est Hudayfa ibn al-Yaman a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a commencé sa récitation avec le Baqara. Hudayfa a dit, il va se prosterner après avoir lu son verset. Mais le prophète alayhi salatu wasalam a continué jusqu'à la fin de l'Baqara. Et puis, le prophète alayhi salatu wasalam a entamé sourate Nisa jusqu'à la fin. Et puis, il a lu sourate Al-Imran jusqu'à la fin. Et Hudayfa dit que le prophète alayhi salatu wasalam récitait lentement en articulant ses sourates. Et Cheikh Al-Uthaymeen dit ces sourates correspondent à 5 parties et un quart de partie du Coran. Et en les récitant lentement, il faut plus de 2h30. Il faut plus de 2h30. Ça veut dire, il dit rahmatullah alayhi, que pendant 2h, plus de 2h30, le messager alayhi salatu salam restait debout. Quand il récite un verset de clémence, il demande. Et quand il passe sur un verset de glorification, il glorifie. Et quand il passe sur un verset d'avertissement, il demande la protection d'Allah. Il réunissait, alayhi salatu salam, entre la récitation, l'invocation et l'imploration, et le cherche et la recherche de la protection d'Allah avec ce long moment. Avec ce long moment de la récitation de la station debout, il s'incline et comment était son inclinaison? Il était presque équivalent à son temps debout. Et puis il se relève en disant Sami Allahu liman hamida. Et là, dans cette station debout, après l'inclinaison, il reste aussi autant qu'il est resté en inclinaison. Puis il se prosterne, et le temps de sa prosternation était équivalent au temps où il était debout. Ainsi sa prière était équilibrée, alayhi salatu salam, quand il lit longtemps, il reste longtemps en inclinaison et en prosternation. Il dit dans l'inclinaison, subhana rabbi al-azim, il dit dans la prosternation, subhana rabbi al-a'la, il dit en plus de ça, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Il dit aussi, Subbuhun Quddusur Rabbul Malaikati wa Ruh. Tout ça, c'est des hadiths qui sont authentiques. Et c'est des façons de faire et des glorifications d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont authentiques de notre prophète alayhi salatu salam. Il dit, Rahimahullah, on voit que la prière est un jardin parmi les jardins de l'adoration. Un jardin où il y a toutes choses agréables, toutes sortes de choses agréables. La récitation du Coran, l'invocation d'Allah, l'imploration d'Allah, les glorifications d'Allah, la recherche de protection d'Allah. Il dit, c'est pour ça qu'il est la meilleure des adorations corporelles, mieux que le jeûne, mieux que le zakat, mieux que le pèlerinage, mieux que toute autre adoration, sauf le monothéisme. J'atteste qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah, et Muhammad est le messager d'Allah, car c'est la clé de l'islam et la clé de la soumission à Allah. Il dit, rahimahullah, ça c'est la description de la prière nocturne du prophète, alayhi salam. Il dit, aux musulmans, donne-lui son importance, et tiens à l'accomplir, et, il dit, rahimahullah, je demande à Allah de nous aider, à le suivre, à suivre son messager, alayhi salam, dans l'apparence et dans l'intérieur, et qu'il nous fasse mourir sur la voie du messager, alayhi salam, et qu'il nous ressuscite avec le messager, alayhi salam, et qu'il nous fasse rentrer au paradis avec le messager, alayhi salam. Amin. Sallallahu. Hein? Et on arrive au hadith de Jabir, radiyallahu anhu, arda. Rapporté par l'imam Muslim, où Jabir a dit, radiyallahu anhuma, قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال طول القنوت رواه مسلم. Et donc selon Jabir, dans ce hadith rapporté par l'imam Muslim, on demande au prophète عليه السلام qui est la meilleure salat. Il a répondu صلى الله عليه وسلم celle dont la situation debout est longue, c'est-à-dire regardez les questions des nobles compagnons d'Allah عليهم. D'où l'obligation de le suivre. Il cherche toujours le meilleur et le mieux. Hein? Et ce hadith n'a pas été commenté par Cheikh Al-Uthaymeen, mais selon certaines paroles d'hommes de science, ils disent ce qu'il faut retenir de Tul Qunut, Tul Qiyam, c'est la longueur de la station debout pour la récitation du Coran. Il dit pourquoi, ils disent pourquoi, parce que il est demandé beaucoup d'efforts. Hein? Il est, parce qu'il demande, la station de rester longtemps dans le Coran demande beaucoup d'efforts de la part de l'être humain et du soumis à Allah. Et parce que le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par le Coran, par sa parole, constitue la meilleure des invocations. Hein? Et on passe au hadith d'Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal, ahabbu salati ila Allah salatu Dawud, wa ahabbu siyami ila Allah siyamu Dawud, kana yanamu nisfa al-layl wa yaqumu thuluta, wa yanamu sudusa huwa yasumu yawman, wa yuftiru yawman, muttafaqun alayh. Et donc, on passe au hadith d'Amr ibn al-As, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agré, Abdullah ibn Amr ibn al-As, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, ainsi que son père et tous les autres nobles compagnons d'Allah alayhim, où il dit le messager d'Allah a dit la prière la plus aimée d'Allah est celle de Daoud alayhi salatu wassalam, et le jeûne le plus aimé d'Allah est le jeûne de Daoud alayhi salatu wassalam. Il dit alayhi salatu wassalam, Daoud alayhi salatu wassalam dormait la moitié de la nuit, priait le tiers et dormait le sixième restant, et il jeûnait un jour sur deux. Le hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Muslim. Et on passe au hadith de Jabir ibn Abdillah qui a dit, j'ai entendu, sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, inna fil layli la sa'atan, la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala khayran amri dunya wal akhira, illa a'ta'u iyyah wa dhalika kulla layla. Rawahu Muslim. Et selon Jabir radiyallahu anhu arda, qui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire, au cours de la nuit, il y a une heure durant laquelle Allah exauce tout musulman qui lui demande un bienfait de ce monde ou de l'au-delà. Et cela chaque nuit. Hadith, il est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. Cheikh Al-Uthaymeen dit, si hadith que Nawawi rahimahullah a cité dans ce chapitre les mérites des prières, il dit dans l'un de ces hadiths, il a été demandé au prophète alayhi salatu wassalam qui est la meilleure prière. Il a dit alayhi salatu wassalam, Tul Qunut, ce qui signifie rester longtemps debout dans la récitation du Coran, et aussi dans l'inclinaison et dans la prosternation. Cheikh de Rahimahullah, les savants, Rahmatullah alayhim, ont divergé sur ce qui est mieux. Est-ce que la lecture du Coran, en restant longtemps debout dans la lecture du Coran, c'est mieux? Ou c'est faire des longues inclinaisons et des longues prosternations? Ou alors faire beaucoup de rak'at, courtes, c'est-à-dire courtes au niveau de la lecture, au niveau de l'inclinaison, au niveau des prosternations? Il dit, rahimahullah, le mieux, il dit, rahmatullah alayh, le point juste, c'est que la prière doit être équilibrée, comme celle du messager alayhi sallatou salam. Il doit être équilibré. Il dit, nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son inclinaison était presque équivalente à sa situation debout dans la récitation. Aussi que sa prosternation. Tout était équilibré. Ensuite, il dit, rahmatullah alayh, Nawawi a cité le hadith de Amr ibn al-As, que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, que le prophète a dit, la prière la plus aimée d'Allah est la prière de Daoud alayhi salatu wassalam. Et le jeûne le plus aimé d'Allah étant celui de Daoud alayhi salatu wassalam. Il dit, rahimahullah, cela concerne les surrogatoires au niveau du jeûne et des prières nocturnes. Il dit, rahmatullah alayh, Daoud alayhi salatu wassalam dormait la moitié de la nuit, c'est-à-dire la première moitié de la nuit, et prit le tiers de la nuit. Il se lève et prit un tiers de la nuit. Il se rendort le sixième de la nuit, donc il partageait la nuit en trois. La première moitié des cheikhs au sommeil, et le tiers qui suit à la prière, et le sixième de la nuit qui suit au sommeil. Il dit, car il y a dans cela le repos du corps. Car si l'être humain dort la première moitié de la nuit, il a pris une grande part du sommeil, quand il accomplira les prières nocturnes au tiers de la nuit, il aura la force pour accomplir les prières nocturnes au tiers de la nuit, puis il se rendort au sixième tiers de la nuit, la fatigue va se dissiper, la fatigue qu'il aura eue durant le tiers où il a prié, va se dissiper avec le fait d'avoir dormi vers la fin de la nuit. Il dit, Abdallah, et avec cela, la personne se réveille, il dit, avec cela, si la personne se réveille à n'importe quel moment de la nuit, il y a l'espoir qu'il ait la récompense de son effort. Et c'est ce qu'a cité le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est le meilleur. Et c'est ce qu'Allah aime. Il dit, ce qu'a cité le prophète alayhi sallam, qui est le dernier tiers de la nuit, c'est le meilleur. Et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, mais il dit, rahmatullah alayh, c'est la personne fait selon ses capacités. Il prie à l'une des parties de la nuit, il y a espoir qu'il ait les récompenses. Il n'y a aucun doute qu'il aura les récompenses de ses prières. Il dit, rahmatullah alayh, mais il te suffit que tu pries le dernier tiers de la nuit, ou le milieu de la nuit, ou le début, selon ce que tu peux et selon tes capacités. Il dit, Aisha radiallahu anha a dit que le prophète accomplissait les prières nocturnes au début de la nuit, au milieu de la nuit et en fin de nuit. Il dit, rahmatullah alayh, la situation est large. La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala, la situation est large à ce niveau-là. Et puis il dit, rahimahullah, Nawawi a cité le troisième hadith. Au cours de la nuit, il est une heure, dans ce hadith il est dit, au cours de la nuit, il est une heure durant laquelle Allah exauce tout musulman qui lui demande un bienfait, que ce soit un bienfait du sous-monde de là, ou tout bien qu'il veut. Il dit, rahmatullah alayh, Et cette heure n'est pas désignée à la fin de la nuit. Il n'est pas précisé laquelle. Il dit, seul Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Le messager nous a annoncé cela pour qu'on fasse des efforts et qu'on cherche le destin d'Allah et ses grâces par l'exauce du dua, hein, dans cette heure de la nuit. Hein? Il dit, c'est comme l'heure du vendredi. Il n'est pas connu. Hein? Il a été annoncé qu'il y a une heure dans la journée du vendredi dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala exauce le dua de tout demandeur. Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayhi, concernant cette heure du Jumu'ah, met en avant pour l'heure du vendredi, il dit c'est le moment où le khatib monte sur le minbar jusqu'à la fin de la prière. Il dit c'est seul Allah qui donne la réussite. Et ceci est déduit d'un hadith qui est authentique, rapporté par l'imam Muslim. Et l'heure du vendredi, là aussi il y a plusieurs paroles d'hommes de science. Certains savants disent que c'est l'heure entre l'Asr et le Maghrib. Et là aussi il y a des hadiths qui sont authentiques. Mais en tous les cas, certains hommes de science disent ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut chercher, hein, et faire des du'as, hein, et faire des bonnes œuvres. Et beaucoup de prières sur le prophète alayhi salam durant la soirée du vendredi, c'est-à-dire une fois que le soleil du jeudi s'est couché, on commence à faire des, hein, les prières sur le prophète alayhi salam durant la journée du vendredi et faire des du'as, hein, durant cette journée, espérant tomber au moment de cette heure méritoire. Certains pieux prédisseurs d'Allah alayhi, après salat l'asr, ils se mettaient dans un coin de la mosquée, ils invoquent Allah, ils implorent Allah jusqu'à le Maghreb. Hein? Et donc, nous devons, selon nos capacités, chercher à ce que nos invocations, à ce que nos du'as tombent dans cette heure méritoire, que ce soit le vendredi ou que ce soit durant la nuit. Hein? Inch'Allah. On arrête là pour cette séance. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. Jazakumullahu khairan.